Benoît Lagan est à vos côtés. Benoît, votre mission, si vous l'acceptez, c'est de nous parler de la reine d'Elisabeth dans la pop culture et plus précisément dans les séries. Et tout cela en seulement 3 minutes. The Crown, oui, avec The Crown, qui raconte le règne de la reine la plus médiatique de l'histoire de la couronne britannique depuis 1947 jusqu'à la fin du XXe siècle dans un savant mélange de vie politique et de vie privée qui a tout pour plaire. Et depuis que Netflix s'est attaqué à la famille royale dans The Crown, cette grande saga qui doit compter au total une 60aine d'épisodes, eh ben il n'y a pas une nouvelle saison sans que l'on en questionne le vrai du faux autour de ce biopic. D'ailleurs, lors de la dernière saison, on attend la saison 5 en novembre, les proches de la famille royale qui jusque-là n'avaient pas trop réagi ont beaucoup contesté la façon dont The Crown racontait l'histoire. Il faut dire que la série centre son récit autour des échanges en tête-à-tête entre la reine et ses premiers ministres. Elle base donc sa fiction sur le non-dit, le non-vu. Elle invente donc beaucoup et les créateurs ne s'en cachent pas. Peter Morgan, le créateur de la série, a annoncé à propos de la suite des tournages de sa 6e saison, je le cite, « The Crown est une lettre d'amour pour elle et je n'ai rien à ajouter pour le moment, juste le silence et le respect. Je pense que nous allons arrêter de filmer, par respect aussi », a-t-il indiqué. Une série sur Elisabeth II, vu le caractère exceptionnel de son règne, c'est plutôt logique. Oui, pas étonnant, Elisabeth a été la première de sa famille à accepter d'écorner au fond l'image sacrée du souverain, se laissant filmer, notamment lors du couronnement, par la télévision balbutiante. L'étape suivante est forcément qu'elle devienne de son vivant une héroïne de série. Mais la reine aimait aussi beaucoup les séries Coronation Street par exemple, une sorte de Plus belle la vie éternelle, où Charles avait même fait une apparition pour les 40 ans du soap, mais aussi Doctor Who, dont on dit qu'elle possédait les coffrets DVD. Je rappelle, Doctor Who date de 1963, première saison. Autre série qu'elle aurait beaucoup aimée, celle qui raconte l'histoire de la famille aristocratique des Crowley, Downton Abbey, fan des aventures de la famille. Dit-on, alors je ne lis pas que Le Point, Clément, je lis aussi Gala. Selon un proche du palais de Buckingham, elle aurait se serait amusée à corriger les erreurs du créateur de la série. Et la reine, de toute façon, elle a toujours fasciné la télé. Oui, la reine, grande figure de pop culture, a fait des apparitions très marquantes dans des spots. On se souvient autour de la figure publique, on se souvient par exemple avec deux ours, Daniel Craig, alias James Bond, ou Paddington, l'ours Paddington. Des comédies aussi se sont amusées avec la figure de la reine, chez l'excentrique Mr Bean, dans la série animée South Park, mais aussi dans les Simpsons. En fait, Homer part en voyage avec sa famille à Londres et il a une rencontre accidentelle avec la reine et il doit se défendre devant la justice. Vous êtes accusé d'avoir endommagé le carrosse royal et d'avoir fait plusieurs morts au cheval royal. Que plaidez-vous ? Milord, les Américains adorent les reines, qu'elles soient reines d'un bal ou des abeilles. La nuit, c'est que cette femme est une imposteuse. Sur son carton et chapeau, il y a HRH. Donc, son véritable nom doit être Henriette Rita Hibou. Pourquoi tu as accepté qu'il assure lui-même sa défense ? Qu'est-ce que ça aurait changé ? Il a tamponné la reine ! Moralité de The Crown aux Simpsons, la pop culture aime la famille royale. Merci beaucoup Benoît Lagan.